là, ça redevient l'AC. Là, ça disparaît pas complètement, là, parce que l'AC, c'était, la, c'était l'espèce de, d'organisation qu'il y avait derrière. C'était compliqué, hein? C'était tentaculaire, leur affaire. Mais ça, c'est l'autre affaire. Hein. Ils ont un processus de fonctionnement qui est tellement bizarre, c'est qu'ils n'ont pas de leader. Comme Gabriel Nadeau-Dubois, on pense toujours que c'est le chef ou le président de tout ça, mais c'est pas ça pantoute. Lui, là, il est juste un porte-parole. Puis Gabriel Nadeau-Dubois, quand tu lis la constitution de la classe, tu comprends qu'il n'y avait pas de pouvoir, parce que ultimement, il était là juste pour rapporter ce qui avait été décidé en assemblée par la classe. Et c'était un méchant problème pour lui. C'est pour ça que souvent, c'est sûr qu'il aurait pu le faire, puis c'était inacceptable qu'il l'ait pas fait quand il a pas condamné les actes de violence. Mais en même temps, quand tu lis la charte de la classe, tu te rends compte que c'était pas son mandat, il avait pas le droit de parler au nom des autres. Il avait pas le droit de condamner quelque chose si ça avait pas été adopté en Assemblée générale. Fait que c'était vraiment, c'était une organisation un peu bizarre. C'est de la démocratie poussée à l'extrême où à un moment donné, il n'y a plus rien qui peut fonctionner. C'est une tour de Babel complètement débile, puis qu'il y a plus. Puis on a vu tous les dérapages démocratiques que ça a entraîné. Oh, au nom de vouloir trop de démocratie, ça a donné une affaire qui était complètement antidémocratique. Et pendant ce temps-là, ben on a monté un gourou en tête d'épingle. Puis je t'écoute, Éric, là, tu sembles faire partie des gens qui, en moyenne, ont donné 35$ pour que Gabriel Nadeau-Dubois porte sa cause en appel. On a ramassé en 3 jours 61 000 $. Ça, c'est 20 000 $ par jour. Écoute, c'est fou raide, hein? Et pour un appel qui risque de durer un jour ou deux, je peux te dire qu'il est grassement financé, le petit Gabriel Nadeau-Dubois, encore une fois. Et moi, ce qui m'écarte le plus là-dedans, bon, si le monde sont assez fous pour y envoyer 30$ ou 10$ ou 15$, ça, c'est leur problème. Mais de voir que des organisations syndicales payaient avec des cotisations syndicales obligatoires des travailleurs qui en ont rien à foutre de Gabriel Nadeau-Dubois soient obligés de payer pour ça. Quand je vois les syndicats d'enseignants, quand je vois la CSN débarquer là-dedans puis en faire un enjeu politique, ça me lève le cœur. Éric, on a parlé plus tôt ce matin à des gens qui travaillent dans des hôpitaux puis qui sont sous le syndicat de la CSN, puis je peux te dire qu'ils sont très, très, très fâché de voir que l'argent de la cotisation sert à porter la cause d'un enfant gâté en appel. Pis... pas syndiqué, qui fait pas partie de leur gang sans être consulté. Regarde, je sais pas jusqu'où ça va aller, mais la dame à qui on a parlé ce matin disait, regarde, on va faire un regroupement, pis on va demander des comptes à notre syndicat, puis ça se passera pas de même. Là. Ils ont pas le droit de brûler notre argent de même sans nous consulter pour des causes personnelles puis des causes judiciaires. Malheureusement, au Québec, les lois sont ainsi faites qu'ils peuvent. C'est ça qui est triste puis qui est plate, là. Puis effectivement, c'est ça qui a pas d'allure, c'est que ces gens-là ont aucune forme d'imputabilité. Ils ont des lois qui les protègent béton. Essayez, comme travailleur, de pas payer vos cotisations syndicales, vous allez voir que la justice a le bras long. Vous allez être obligé de les payer, vos cotisations syndicales. De toute façon, vous n'avez pas le choix d'y retenir parce qu'on les saisit directement sur votre salaire. C'est votre employeur qui fait le job. Vous pouvez même pas vous-même faire un chèque puis envoyer votre cotisation syndicale à votre employeur. Toutes les lois les protègent. Ils ont réussi à infiltrer le processus politique par avoir des partis qui lui votent des lois tellement complaisantes qu'aujourd'hui, les travailleurs sont pratiquement impuissants devant des syndicats qui décident n'importe quelle connerie politique comme ils sont en train de le faire en finançant Gabriel Nadeau-Dubois ou en finançant, faut se rappeler, là, au printemps, ils ont financé les manifs à Montréal. Là. Les syndicats ont toujours... Puis moi, on utilise le terme, là, puis c'est pas exagéré, c'est devenu les parrains de la gauche. C'est-à-dire qu'ils vont parrainer toutes les causes gauchistes possible et imaginable, et ils l'ont fait beaucoup pour les manifestations étudiantes, puis aujourd'hui, ils le font pour Gabriel Nadeau-Dubois, puis j'espère juste que ça va conscientiser, puis ça va ouvrir les yeux à quelques travailleurs qui vont se dire, là, c'est assez, j'espère juste que ça va être la goutte qui fait déborder le vase, puis qui va faire réaliser à des travailleurs que ces organisations-là ne se battent plus pour eux, mais ils se battent pour une idéologie, puis que c'est des idéologues qui ont rien à faire à défendre leurs intérêts, qui ont tout à faire à défendre des causes politiques qui souvent sont totalement étrangères de celles que les travailleurs souhaitent. Ce qui est triste, Éric, c'est que des fois, de peine et de misère, tu sais, pour une cause, mettons, les enfants malades ou pour un département d'oncologie à l'hôpital, on a de la misère à ramasser un 10 000, un 12 000 piastres. Puis tu regardes ça en dedans de 3 jours pour un enfant gâté qui s'en va en appel puis qui apprendrait peut-être la vraie vie, les vraies responsabilités en payant lui-même ses affaires. Ouais. Bon, il donne encore un break. Il y a deux choses à dire par rapport à ça. D'abord, si on se fie à la définition que le Parti québécois donne d'un riche, si j'ai bien compris, c'est rendu 42 000 piastres au Québec. Ouais. Ça veut dire que Gabriel Nadeau-Dubois gagne 150% de ce qu'un riche gagne au Québec présentement. Il a fait ça en 3 jours. Il est devenu 1,5 riche. Un nouveau riche. Et la deuxième chose que je veux préciser aussi par rapport à Gabriel Nadeau-Dubois, c'est que Moi, je comprends pas pourquoi il a pas accepté la condamnation pour outrage au tribunal, parce que il aurait fort probablement été condamné à des travaux communautaires. On va l'apprendre dans les prochains jours. Et un gauchiste comme lui, qui pense juste que le cœur sa main, qui est condamné à des travaux communautaires, ben il devrait aimer ça, parce que lui, donner aux autres la compassion humaine, aider gratuitement au nom de l'altruisme, ça devrait faire partie de ses valeurs de gauchiste puis de solidarité. Mais ce qu'on voit aujourd'hui ressortir, c'est plus son côté syndicaliste, égoïste, et c'est aussi de l'enfant gâté, un peu comme tu dis. Puis en quelque part, pour l'image publique, c'est tout ce que ça fait des mois là qu'on dit ça nous autres, que c'est un enfant gâté puis qu'on tape là-dessus, mais le monde, c'est pas tout le monde qui le voyait comme ça, Gabriel Nadeau-Dubois. Mais là, présentement, il est en train de nourrir la caricature qu'on a faite de lui. Je suis allé vérifier sur son Twitter pour voir qu'est-ce qu'il écrivait par rapport à ça, puis lui incite directement les gens à donner en donnant l'adresse du site puis tout, alors que moi je me disais la seule façon logique, je pensais qu'il était pas impliqué directement là-dedans, financer son appel, mais c'est lui qui est la racine de ça. Il en fait la promotion. Alors que moi, être à sa place, là, je me sentirais mal, là, d'avoir ramassé 61 000 $, je prendrais l'intégralité de ce montant-là, 100%. Trouve-toi une cause, une bonne cause, n'importe laquelle, puis paye ton appel toi-même, là. Ben, c'est ça, il aurait pu faire ça, c'était ça son point. Puis écoute, je veux dire, il l'a fait son outrage au tribunal. Là. Il a beau prétendre qu'il parlait au nom collectif, il a dit « je crois ». Quand tu dis « je », là, tu parles pas au nom du collectif. Dans sa déclaration, c'était très clair. Un moment donné, avale ta pelule. Là. T'as fait une connerie, puis va y faire tes travaux communautaires, petit gars. Là. Puis, le domaine communautaire, tu devrais pas être un ennemi de ça, puis tu devrais pas considérer que c'est le pire des châtiments sur la terre. Donc, tu devrais commencer à payer pour ce que t'as fait, puis arrêter d'agir encore une fois comme quelqu'un qui veut tout gratis, puis qui pense que dans la société, lui a le droit de tout faire, puis les autres, on doit être à ses pieds. Puis c'est l'image qu'on retient de Gabriel Nadeau-Dubois, malheureusement. Puis de l'autre côté, là, ce qui me rend triste aussi là-dedans, c'est qu'il y a un gars qui s'appelle Jean-François Moras, qui, lui, a pas les moyens de Gabriel Nadeau-Dubois. Hein. Il n'y a pas de centrale syndicale qui le paye en arrière. Lui, c'est un gars qui a des problèmes, qui étudiait, puis qui voulait continuer sa session, puis qui était pas question pour lui de se faire bloquer les portes de ses cours, qui est allé en cours, qui a gagné, qui a vu Gabriel Nadeau-Dubois faire ce qu'il a fait, qui a considéré que c'était un outrage. Il est allé en cours, il a gagné sa cause. Puis là, aujourd'hui, on lui dit, ben garde, tu vas être obligé de déplier encore plus d'argent pour te défendre, parce que l'enfant gâté, là, il veut rien écouter, puis la justice, il en a rien à foutre, parce que lui, là, c'est petit, c'est le petit gars là qui joue par part, t'es mort, sinon on arrête de jouer, puis ça marche plus. Puis on est prêt à utiliser beaucoup de saloperies pour faire de l'intimidation. Moi, je capote. Là, on a parlé à Alex de Jean-François Moras un peu plus tôt ce matin. T'sais, son adresse est rendue sur des Facebook, ouais. Son adresse privée, son numéro de téléphone. Puis lui, il capote un peu, il est pogné là-dedans. Il est très insulté de ça. Puis ça il cherche Jasmin Roy, puis il le trouve pas. Non. J'imagine que c'est pas de la vraie intimidation, mais moi j'en reviens pas. Je veux dire, même dans le dossier le plus émotif ou le conflit qui me touche le plus, je penserais jamais, par exemple, à prendre l'adresse privée de Gabriel Nadeau-Dubois puis à la donner en onde ou à la rendre publique d'une façon ou d'une autre. Moi, ça me dépasse jusqu'où des gens sont prêts à aller. Parce qu'ils pensent que la cause de le petit nombril est bonne. Puis c'est rendu qu'on beurre un citoyen qui a décidé, lui, qu'il voulait des cours, il a regardé la loi, puis il s'est dit, normalement, je suis supposé d'avoir mes cours. C'est quoi le crime odieux que Moras a fait? C'est de gagner sa cause. Ben oui, il avait raison. Il a défendu la justice dans notre société. Puis c'est lui qui passe pour un débile, puis un con, puis qui est mis au pilori. Puis il faut se rappeler que c'est pas la première fois que ça arrive. Dans ce conflit-là, rappelez-vous que Richard Martineau, la même chose avait fait. Une brillante journaliste de la presse avait fait ça aussi pendant le conflit, a révélé où il habitait. Et je vous rappellerai aussi qu'on a un autre dossier dont on a entendu parler récemment, où c'est encore un autre prof qui a fait un dérapage avec matricule 728. Exact. C'était la même chose. On dirait que, tu sais, ces gauchistes-là, là, toujours, ils peuvent faire toutes les niaiseries possibles, puis de l'intimidation possible, puis ça, c'est normal, parce que eux autres, ils se battent pour la bonne cause. Puis souvent, quand c'est de l'autre bord, toi, donne une adresse ou un numéro de téléphone d'un de cette gang-là, là, puis t'as plus de job d'un matin, là, Denis. Là. Exact. Puis souvent, c'est les mêmes qui vont nous faire la leçon en disant, ben non, vous pouvez pas, par exemple, donner l'adresse de résidence d'un agresseur d'enfant ou d'un pédophile récidiviste. C'est le droit du détenu et c'est le droit à la seconde chance. C'est les mêmes qui vont faire des saloperies comme ça sur Facebook puis sur Internet. Hey, Moras, il a pas commis de crime. L'ex à Moras a pas commis de crime. Richard Martineau a pas commis de crime. Puis matricule 728 jusqu'à preuve du contraire. Peut-être qu'a brassé de la merde un peu. Peut-être qu'a manqué de jugement. Mais on s'entend-tu que c'est pas le pire crime de l'histoire de l'humanité puis qu'elle mérite pas que son adresse soit rendue publique par un prof qui a toujours sa job au moment où on se parle? Absolument, puis continue à nous expliquer, puis à expliquer aux enfants du Québec c'est quoi l'éthique. Mais il faut se rappeler que t'sais, tout ce monde-là, là, puis là, on va revenir avec le dossier encore une fois du registre des pédophiles. Je suis content que t'en parles parce que c'est toujours ça, là. Ce même monde-là va nous regarder en pleine face dans deux semaines, dans trois semaines pour nous dire qu'il faut pas de mettre l'adresse puis le numéro de téléphone, puis mais pas le numéro de téléphone, juste l'adresse puis la photo puis le casier judiciaire d'un pédophile sur Internet. Mais il y en a pas un de cette gang-là qui va lever le petit doigt aujourd'hui pour dénoncer ce qui arrive à Jean-François Maurras. Ça donne mal au cœur. Il y a aucune, peu importe ce qu'ils vont me dire, là, il y a aucune explication rationnelle. C'est juste dégueulasse. Ils sont juste incapables d'avoir, d'appliquer leur propre médecine puis de dire, puis de se joindre à tout le monde aujourd'hui puis de dire ce qui est arrivé à Jean-François Maurras. C'est totalement inacceptable. C'est l'équivalent d'être contre le port du gun et pour ce faire, ben, tu tires du gun d'en face du monde. C'est un manque complet de logique. Ça s'assume pas. Mes droits. Fuck mes responsabilités. Fuck la logique. J'ai tellement une cause importante. Mon petit nombril est tellement plus vert et tellement plus important que celui des autres. Il n'y a plus aucune logique là-dedans. Puis nous autres, les médias, on est pognés là-dedans. Là, ça fait des victimes qui, regarde, ne sont pas coupables d'aucun crime. Moi, ça m'écœure. Puis il y a du monde assez innocent pour se mettre à envoyer des chèques puis de l'argent à Gabriel Nadeau-Dubois, puis qui en a déjà trop pour défendre sa propre cause. D'ailleurs, je me demande qu'est-ce qu'il va faire avec tout cet argent-là. Mettons que ça coûte 10 000 $ ses frais d'avocat, il fait quoi avec le 50 000 Bon, c'est fait dire que ça coûtait autour de 15 000 à peu près, fait que ça fait longtemps que le montant nécessaire est amassé, là. Mais ils vont faire quoi avec le 45 000 de trop? Ils vont le mettre dans ses poches. Alors, moi, je leur dis. Il va partir en vacances. Je leur dis, c'est le montant intégral qui devrait être donné à une œuvre de charité net frais de sexe. Il ramasse 70 000. C'est 70 000 à une œuvre de charité. Puis là, Maurice s'installe avec nous autres. Salut, Dom. Oui, salut, salut. Ben, ça va? Oui, ça va bien. Yes. Juste sur l'excédent, juste à titre complémentaire d'information. Yes. Je lisais ce matin que lui a confirmé que l'excédent irait à l'AC. À l'association étudiante, exact. Classe, donc, à mon avis, c'est un racket, tu sais, je veux dire. Un racket financé. Exactement. Il y en a déjà trop d'argent. Il dit, continuez à donner, le reste s'en va à l'AC. Donc, c'est une campagne de financement. C'est ça, des prochaines manifs. Voilà. Bon. Merci, Dom. Ça va bien? Ça va bien, toi? On vit d'un drôle de monde, hein? Ça n'a pas de sens. C'est terrible. Ça s'en va à l'AC. Fait que là, c'est une campagne de financement pour les prochaines manifs. Fait que toutes les manifs qu'il va y avoir, si c'est pas des émeutes pendant le sommet sur l'éducation, dites-vous que c'est la gang de monde qui envoyait de l'argent supposément pour la cause de Gabriel Nadeau-Dubois en cours. Wow! C'est pas que le petit racket, hein? C'est assez bizarre, merci. Puis il y a du monde qui vont mais tu sais, je suis convaincu là, ça c'est l'autre affaire, son argent, la façon qu'il ramasse, là, c'est pas transparent pas en tout, hein. Pour du monde qui donne des leçons de démocratie puis de transparence à tout le monde là, moi j'aimerais ça voir la liste avec tout le monde combien ils ont donné chaque là. Ben oui. L'agence du revenu peut aller se promener là-dedans, j'imagine. Mais moi je pense que ça devrait être public. Si Gabriel Nadeau-Dubois là, il est tout le temps en train de demander puis d'accuser tout le monde d'avoir des sources de financement occultes, faudrait peut-être que lui il y en ait pas non plus, hein. Fait qu'il serait peut-être important que il commence à mettre ça en ligne. Moi j'aimerais bien ça voir les tatas qui ont donné de l'argent à ce gars-là. J'aimerais bien ça lire les noms de ce monde-là. Puis tant qu'à y être, qui aime ça donner les adresses et les numéros de téléphone du monde, pourrait peut-être l'ajouter à côté aussi. On aurait encore bien plus d'informations. Comme le disait si bien Genesis en chantant sur les preachers américains, « Just do as I say, don't do as I do ». Faites ce que je dis, mais surtout pas ce que je fais. C'est de la logique à deux vitesses, une logique qui est bonne pour les autres, mais pas pour nous autres. On va avaler ça, puis on va essayer de le digérer. Merci, Eric. Hey, merci quand même. Ciao. Salut, bonne journée. 8:26, notre chum Eric Duhaime qui va animer ce midi du côté de Radio X Montréal avec notre autre copain, Jean-Nic Gagné. Je suis sur la page d'accueil où on invite les gens à donner généreusement pour payer l'appel en cours de Gabriel Nadeau-Dubois. Puis là, on vient de se le faire dire par Morel. Les excédents, il y en a déjà beaucoup. Ça va aller à financer du syndicalisme radical étudiant. Bravo. Il y a un vidéo de Gabriel Nadeau-Dubois qui fait sa déclaration à RDI, qui l'a mis dans le trouble. Mais il y a également un texte pour convaincre les gens de donner à Gabriel Nadeau-Dubois. Et j'aimerais, avec mon cours d'art dramatique de cinquième année du primaire, j'aimerais, avec le badge improvisation émotion que j'ai gagné à l'époque des scouts et guides et que j'étais un brave louveteau. Il n'en donnait pas à tout le monde, ça. J'aimerais utiliser donc mes talents d'art dramatique pour vous lire ce texte qui, j'espère, va vous émouvoir aux larmes concernant ce nouveau martyr canadien en la personne de Gabriel Nadeau-Dubois. Maestro. Nous avons vu et entendu. Nous sommes tous témoins. Nous avons entendu Gabriel Nadeau-Dubois. Nous connaissons bien ces mots parce que ces mots, ce sont aussi les nôtres. Dans sa bouche, comme dans les nôtres, ces mots signifient cohérence, loyauté et intégrité. Nous avons entendu Gabriel Nadeau-Dubois et nous avons entendu le juge Denis Jacques. Et nous demandons, mais où il y a outrage exactement? Le respect des décisions collectives serait-il un crime? La liberté de parole serait-elle un outrage? Les mots prononcés, ce sont les nôtres. Nous les faisons nôtres et les réitérons. S'il faut condamner quelqu'un, nous sommes des milliers à punir. Il est bel et bien question de justice ici, non pas de celle qu'on prétend avoir rendue, mais de celle que nous voulons voir se réaliser. Car en fait, il n'est pas question de Gabriel Nadeau-Dubois. Il est question des milliers d'entre nous qui nous reconnaissons dans ce printemps érable. Il est question de tous ceux et toutes celles qui se sentent visés par l'accusation. Il est question de cette corruption qui gangrène la politique, tandis que c'est la jeunesse qui est au banc des accusés. Aujourd'hui, la justice trahit la démocratie. Il faut que Gabriel appelle de cette décision. Nous l'accompagnerons dans cette démarche. Le Russe aussi veut continuer. Mais plus encore, nous continuerons à avoir espoir malgré les outrages des tribunaux. C'est un appel à tous, car c'est tout le mouvement qui est condamné. Faisons appel. Ensemble. Together. C'est la plus belle cause au monde. À quelques mois de Noël, où des familles vont avoir de la misère à manger, continuez de donner généreusement à financer le radicalisme étudiant et les petits-enfants gâtés. Combien de macchiato caramel grande on va être capable de se payer à 61 000 $? 8h30, c'est l'heure d'aller vomir. On vient.